hommage à la culture et à la littérature russe. Ivan Tourguéniev. Poème russe en prose, 1878-1879. Lecture en livre audio en janvier 2018 par Stefano Francobora alias Chagans pour la libre diffusion et le partage des cultures du monde. Les nymphes, écrit en décembre 1878. Je me tenais immobile face à une chaîne de montagnes splendides disposées en demi-cercle. Une forêt jeune et verte les couvrait de haut en bas. Au-dessus de ma tête, le ciel bleu du midi, les rayons du soleil se jouaient au zénith. En bas, les ruisselets s'interpellaient allègrement, à moitié cachés sous l'herbe. Et je me souvins de la légende d'un vaisseau grec qui voguait sur la mer Égée au premier siècle après la Nativité. Il était midi, un temps calme, et soudain une voix proféra nettement juste au-dessus de la tête du navigateur. « Quand tu passeras devant les îles, tu t'écrieras bien haut, « Il est mort, le grand Pan !» Le pilote fut surpris et effrayé, mais lorsque le navire vogua au large des îles, il obéit et s'exclama « Il est mort, le grand Pan !» Et aussitôt, des gémissements, des cris, de longues plaintes s'élevèrent du rivage, pourtant inhabité. « il est mort, le grand Pan !» Je me souviens de cette légende, et une idée singulière me traversa l'esprit. Et si je lançais l'appel? Mais il régnait autour de moi une telle allégresse qu'il était interdit d'invoquer la mort. Aussi criai-je de toute la force de mes poumons. « Le grand Pan est ressuscité !» Aussitôt, ô prodige, des rires juvéniles, des éclats de voix joyeux, toute une rumeur vibrante houla dans l'amphithéâtre des montagnes couronnées de verdure. Il est ressuscité, Pan est ressuscité. La nature entière parut s'animer, s'esclaffer, plus haut que le soleil, plus allègrement que les ruisseaux qui s'interpellaient sous l'herbe. Le bruit d'une course légère, la blancheur marmoréenne des tuniques secouées par la brise, le vif incarnat des corps dénudés scintillant à travers la verdure. Des nymphes, des dryades et des bacchantes dévalaient les flancs des montagnes. Elles apparurent, d'un seul coup, à toutes les lisières. Leurs cheveux flottaient sur leurs têtes divines, leurs bras harmonieux levaient des couronnes de fleurs et des timbales, et le rire chatoyant de l'Olympe courait et roulait derrière elle. Une déesse les précède. Elle est plus haute et plus belle que ses compagnes. Elle porte un carquois derrière l'épaule, un arc dans ses deux mains, un croissant d'argent sur les cheveux. Diane, est-ce toi ? Tout soudain, la déesse s'arrête et les nymphes l'imitent. Les rires se taisent. Une pâleur mortelle envahit les joues de la divinité. Ses jambes se pétrifient, une terreur sans nom entr'ouvre ses lèvres et élargit ses yeux, dirigés dans le lointain. Qu'a-t-elle vu? Que regarde-t-elle? Je me retournai et prolongeai la ligne de son regard. Tout au bord du ciel, au-delà de la lisière basse des terres, une croix d'or rougeoyait sur le clocher blanc d'une église chrétienne. Et la déesse l'avait aperçue. J'entendis, derrière mon dos, un soupir inégal et prolongé, comme la vibration d'une corde qui se rompt. Quand je me retournai, il n'y avait plus trace de nymphes. Les arbres étaient aussi verts qu'avant, et seulement par endroits, des volutes blanches s'évanouissaient, à peine visibles à travers le réseau étroit des branches. Était-ce les tuniques des nymphes ou la buée qui s'élevait du fond de la vallée? Je l'ignore. Mais j'ai tant regretté les déesses disparues. Ivan Tourguéniev, décembre 1878. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois, écrit en septembre 1879. Libre adaptation de la traduction par Stefano en 2018. Je me souviens avoir lu cette poésie. Il y a longtemps, si longtemps. Je l'oubliais vite, mais le premier vers m'était resté quelque part au fond de ma mémoire. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Aujourd'hui, cet hiver, le gel a saupoudré de frimas les vitres de ma croisée. Une bougie solitaire, une lumière dans la nuit de ma chambre obscure. J'étais blotti dans un coin de la pièce et ce souvenir me remontait sans cesse. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Je me vois assis sur la terre d'entrée d'une maison de banlieue russe. Le soir d'été s'évanouit doucement, se fond avec la nuit dans une odeur de réséda et de tilleul. Cette femme qui apparaît au rebord de la fenêtre, appuyée sur son bras tendu vers l'avant. Son visage est penché dans l'ombre de son épaule, elle questionne le ciel et les cieux, silencieuse, comme si elle guettait l'apparition d'une première étoile. Que de simplicité et d'inspiration profonde dans son regard rêveur, que douceur et innocence sur ses lèvres entrouvertes à une question inexprimable. Son sein naissant et vierge, de cette émotion se soulève si tendrement, dessinant son profil si pur et touchant. Je n'oserais lui dire nulle parole, mais elle est si chère à mon cœur. Mon Dieu, que mon cœur s'envole et bat si vite. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Les yeux et l'âme s'enfoncent toujours plus sombres dans la nuit. La bougie se consume en crépitant. Des ombres fugitives dansent sur le plafond. Le gel et la glace poussent derrière le mur. Je crois sentir maintenant ce chant lancinant et monotone. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Et voici d'autres visions qui apparaissent à mon être avant de s'évanouir. La joyeuse image de la famille, d'une vie de famille, au village. Deux petites têtes blondes appuyées l'une contre l'autre me regardent, joyeuses, avec leurs yeux clairs. Un rire illumine de sa fulgurance leurs joues roses, leurs mains se lient dans une caresse, leurs jeunes voix s'appellent, se couvrent et se répondent. Un peu plus loin, dans la pénombre protectrice de l'habitat, d'autres mains jeunes aussi entremêlent leurs doigts sur les touches d'un vieux piano. Aucune valse de Lanner n'arrive pas à dominer les soubresauts et soupirs de patriarche de la bouilloire. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. La bougie semble danser et jouer à disparaître. Elle brille et s'en va, sa lumière vacille et s'éteint. Son corps, recroquevillé, retiré sur lui-même, mon chien fidèle se blottit et frissonne à mes pieds, mon seul compagnon. J'ai froid. Je gèle, et ils sont tous disparus dans ces limbes, tous. Ô fraîcheur, ô beauté des roses d'autrefois. Septembre 1879. Reste, arrête-toi, écrit en novembre 1879. Arrête-toi, je veux te conserver à tout jamais tel que tu m'apparais à l'heure présente. Le dernier son de l'inspiration s'est tu sur tes lèvres entrouvertes. Tes yeux ne brillent plus, ne lancent plus d'éclairs, ils se ternissent, alourdis de bonheur, conscients d'avoir exprimé la beauté, cette beauté que poursuivent les bras tendus, triomphants et là. Quelle est cette lumière, plus pure que l'éclat du soleil, qui se répand sur tout ton corps et sur les moindres plis de tes draperies? Quel est ce Dieu de qui le souffle amoureux rejette en arrière ton opulente chevelure? Son baiser brûle sur ton front pur et blanc comme le marbre. L'énigme est dévoilée. Mystère de la poésie, de la vie, de l'amour, c'est cela l'immortalité. Il n'y en a point, il n'en faut point d'autre, tu es immortel en cet instant. Mais il passe et tu redeviens une pincée de cendre, une femme, une enfant, que t'importe? Tout à l'heure, tu étais plus grande que tout ce qui se passe et ton heure ne finira jamais. Arrête-toi, et permets-moi de communier à ton immortalité. Laisse choir dans mon âme un reflet de ta vie éternelle. Écrit par Ivan Turgenev, novembre 1879.